Un tourbillon dans ta tête, et les synthés saturés t'envoient là une bonne recette. Pour te faire taper du pied, les clichés, bah les couilles en mode expérimental. Fais pas chier ou je te dérouille, alors fais toi et avale. J'ai remonté le niveau de tous ces rapports que t'écoutes sur Radio, voire même sur Skyrock. Pas besoin de représenter pour faire un truc de qualité. Tu rigoles, vas-y, je fais ça tout seul, taïr. Tiens, tiens, tiens, vas-y, prends ça dans la tronche. Ça va foutre le tournis comme taxi vers de ponche. T'es pas aussi cru qu'une branche de jambon. J'arrive à trouver le cul, rien qu'avec du son. Allez, danse, danse, danse, fais bouger tes fesses, ouais. Citron, t'inquiète, y'a pas de mes pamelles. Volume info, il fait montrer tes seins. C-A-T-A Dita-di-da-di-da-da. Perdi acide dans ton anus. Perdi acide dans ton anus. C-A-T-A Dita-di-da-di-da-da. Perdi acide dans ton anus. Perdi acide dans ton anus. J'suis là avec Grosillet parce que j'ai trop de trucs à dire. Mais j'sais pas par où commencer, j'sais pas par où finir. C'est pas du rap de consanguin, mais du rap conscient de rien. Y'en a plus du système, y'en a gagné des gens. J'ai vendu ta moi-même et c'est suffisant. Pas la peine de me péter sur des futilités. Apprends déjà à t'exprimer avant de te mettre à rappeler. Là, t'as vu moi aussi, j'sais faire l'heure de te la péter. Parce que tu vas grâce, c'est clair, aucune réalité. T'es vu et revu, ouais, même mon arrière n'est avec plus de succès. C'est naze, naze, naze, pélo, alors écrase. Et cherche un autre boulot, t'es pour rien. Tu représentes la honte du rap dans tes refrains. Qui fait tout dans les fautes de frappe. T-A-T-A Dita-di-da-di-da-da. Dirty acid dans ton anus. Dirty acid dans ton anus. T-A-T-A Dita-di-da-di-da-da. Dirty acid dans ton anus. Dirty acid dans ton anus. J'ai plus envie d'écrire des vers, j'commence à les avoir au cul. J'arrive même pas à dire ce qu'elle veut. Au lieu de s'opérer dans des sujets à la con. Au départ, j'ai fait cet instruit à l'arrache. Le problème, j'avais pas quoi mettre. Du coup, je parle un peu de tout. Et puis surtout de n'importe quoi. T-A-T-A Dita-di-da-di-da-da. Dirty acid dans ton anus. Dirty acid dans ton anus. T-A-T-A Dita-di-da-di-da-da. Dirty acid dans ton anus. Dirty acid dans ton anus.